Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 70. De la circoncision qui a précédé le baptême. Que la circoncision était la figure du baptême, son institution, convenance de son rite, conférait-elle la grâce? 1. La circoncision a-t-elle été une préparation et une figure du baptême? Saint Paul disait, « Vous avez été circoncis de la circoncision du Christ, ayant été enseveli avec lui dans le baptême. » Colossiens 2, 11. Le baptême est appelé le sacrement de la foi, parce qu'il en est une profession et qu'il agrège l'homme à la société des fidèles, qui ont la même foi que les patriarches. Or la circoncision était pareillement chez ceux-ci une profession de foi, car il est écrit, « Abraham reçut la circoncision comme le sceau de la foi. » Romains 4, 11. Elle servait aussi à agréger les anciens à la société des fidèles. Il en faut inférer qu'elle préparait au baptême et le figurait par avance, puisque, d'après saint Paul, tout ce qui arrivait aux anciens patriarches était une figure des choses futures qui étaient l'objet de leur foi. 2. La circoncision a-t-elle été convenablement instituée? La circoncision a été instituée par Dieu même. Genèse 22, 10. Les œuvres divines sont parfaites. Il convenait que, établie au temps d'Abraham, elle fut donnée à ce patriarche, qui reçut, le premier, la promesse que le Christ naîtrait de lui, lorsque Dieu lui dit, « Toutes les nations de la terre seront bénies dans votre race », Genèse 22, 18, et qui, le premier aussi, obéissant à cet ordre, « Sortez de votre pays et de votre parenté », Genèse 12, 1, se sépara de la société des infidèles. Note. Au commencement du monde, pendant que la foi et la raison, aidées de la science d'Adam, qui avaient été complètement instruits des choses divines, conservaient leur empire, chacun professait sa foi au Rédempteur par des signes de son choix. Vers le temps d'Abraham, où la concupiscence charnelle obscurcissait la raison, la circoncision fut sagement établie pour servir de profession de foi et affaiblir la concupiscence elle-même. Elle ne contenait pas tout ce qu'il faut pour le salut, elle le figurait seulement comme devant être accompli par le Christ, et elle était d'ailleurs réservée aux hommes. Aussi, à la différence du baptême, elle ne fut pas proposée à tous les peuples. Fin de la note. 3. Le rite de la circoncision était-il convenable? Établi de Dieu même, comme un signe de la foi par laquelle Abraham avait cru que le Christ naîtrait de sa race, le rite de la circoncision était convenable. Note. Remède contre le péché originel. La circoncision avait encore pour but d'affaiblir la concupiscence de la chair. Elle était fixée au huitième jour, pour figurer la circoncision spirituelle que le Christ achèvera au huitième âge du monde, voire huitième béatitude. Fin de la note. 4. La circoncision conférait-elle la justification? On admet communément que la circoncision conférait la grâce qui justifie, non comme le baptême, par une vertu inhérente au sacrement lui-même, mais par la vertu de la foi en la passion de Jésus-Christ, dont elle était le signe. Celui qui se faisait circoncire, s'il était adulte, professait lui-même la foi, et, s'il n'avait pas encore l'usage de la raison, un autre y adhérait pour lui. De là vient que saint Paul disait, « Abraham reçut le signe de la circoncision comme le sceau de la justice qu'il tenait de la foi. » Note. Après la circoncision comme avant, La foi au Christ justifiait seuls les enfants et les adultes. Quoique, dans l'origine, aucun signe particulier ne fut exigé en témoignage de cette foi, il est vraisemblable que les parents fidèles adressaient à Dieu quelques prières pour leurs jeunes enfants, exposés surtout au péril de mort. Peut-être se contentaient-ils de les bénir en manifestant leur foi. Les adultes priaient et offraient des sacrifices pour eux-mêmes. La circoncision ne rétrécit en aucune manière la voie du salut. Si quelques personnes moururent dans le désert sans l'avoir reçue, il faut porter sur leur salut le même jugement que sur celui des hommes qui moururent avant son institution, et cela s'applique également aux enfants qui, sous la loi, mouraient avant le huitième jour. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.